Section 119 des Mille et Une Nuits, tome 3e. 9e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 9e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Pendant que Parisade ôtait le coton qui lui bouchait les oreilles, « Brave dame, lui dit l'oiseau, ne me veuillez pas de mal de ce que je me suis joint à ceux qui faisaient leur effort pour la conservation de ma liberté. Quoique enfermé dans une cage, je ne laissais pas d'être content de mon sort. Mais destiné à devenir esclave, j'aime mieux vous avoir pour maîtresse. Vous qui m'avez acquis si courageusement et si dignement que toute autre personne du monde. » Et dès à présent, je vous jure une fidélité inviolable, avec une soumission entière à tous vos commandements. Je sais qui vous êtes, et je vous apprendrai que vous ne vous connaissez pas vous-même pour ce que vous êtes. Mais un jour viendra que je vous rendrai un service dont j'espère que vous m'aurez quelque obligation. Pour commencer à vous donner des marques de ma sincérité, faites-moi connaître ce que vous souhaitez. Je suis prêt à vous obéir. » La princesse, pleine de joie d'autant plus inexprimable que la conquête qu'elle venait de faire lui coûtait la mort de deux frères chéris tendrement, et à elle-même tant de fatigue et un danger dont elle connaissait la grandeur, après en être sortie mieux qu'avant qu'elle s'y engagea, nonobstant ce que le dervis lui en avait représenté, dit à l'oiseau, après qu'il eut cessé de parler, « Oiseau, c'était bien mon intention de te marquer que je souhaite plusieurs choses qui me sont de la dernière importance. Je suis ravi que tu m'aies prévenu par le témoignage de ta bonne volonté. Premièrement, j'ai appris qu'il y a ici une eau jaune dont la propriété est merveilleuse. Je te demande de m'enseigner où elle est, avant toute chose. » L'oiseau lui enseigna l'endroit qui n'était pas beaucoup éloigné. Elle y alla et elle en remplit un petit flacon d'argent qu'elle avait apporté avec elle. Elle revint à l'oiseau et elle lui dit « Oiseau, ce n'est pas assez. Je cherche aussi l'arbre qui chante. Dis-moi où il est. » L'oiseau lui dit « Tournez-vous et vous verrez derrière vous un bois où vous trouverez cet arbre. » Le bois n'était pas éloigné. La princesse alla jusque-là et entre plusieurs arbres, le concert harmonieux qu'elle entendit lui fit connaître celui qu'elle cherchait. Mais il était fort gros et fort haut. Elle revint et elle dit à l'oiseau. « Oiseau, j'ai trouvé l'arbre qui chante, mais je ne puis ni le déraciner ni l'emporter. Il n'est pas nécessaire de le déraciner, reprit l'oiseau. Il suffit que vous en preniez la moindre branche et que vous l'emportiez pour la replanter dans votre jardin. Elle prendra racine dès qu'elle sera dans la terre, et en peu de temps vous la verrez devenir un aussi bel arbre que celui que vous venez de voir. » Quand la princesse Parisade eut en main les trois choses dont la dévote musulmane lui avait fait concevoir un désir si ardent, elle dit encore à l'oiseau, « Oiseau, tout ce que tu viens de faire pour moi n'est pas suffisant. Tu es cause de la mort de mes deux frères qui doivent être parmi les pierres noires que j'ai vues en montant. Je prétends les ramener avec moi. » Il parut que l'oiseau eût bien voulu se dispenser de satisfaire la princesse sur cet article. En effet, il en fit difficulté. « Oiseau, insista la princesse, souviens-toi que tu viens de me dire que tu es mon esclave, que tu l'es en effet et que ta vie est à ma disposition. Je ne puis, reprit l'oiseau, contester cette vérité. Mais quoique la chose que vous me demandez soit d'une plus grande difficulté que les autres, je ne laisserai pas d'y satisfaire comme aux autres. Jetez les yeux ici, alentour, ajouta-t-il, et voyez si vous n'y verrez pas une cruche. « Je l'aperçois, dit la princesse. Prenez-la, dit-il, et en descendant de la montagne, versez un peu de l'eau dont elle est pleine sur chaque pierre noire. Ce sera le moyen de retrouver vos deux frères. » La princesse Parisade prit la cruche et en emportant avec elle la cage avec l'oiseau, le flacon et la branche, à mesure qu'elle descendait, elle versait de l'eau de la cruche sur chaque pierre noire qu'elle rencontrait, et chacune se changeait en homme. Et comme elle n'en omit aucune, tous les chevaux, tant de princes, ses frères que des autres seigneurs, reparurent. De la sorte, elle reconnut les princes Bahman et Perviz, qui la reconnurent aussi et qui vinrent l'embrasser, en les embrassant d'eux-mêmes et en leur témoignant son étonnement. « Mes chers frères, dit-elle, que faites-vous donc ici ?» Comme ils eurent répondu qu'ils venaient de dormir, « Oui, mais, reprit-elle, sans moi votre sommeil durait encore et il eût peut-être duré jusqu'au jour du jugement. Ne vous souvient-il pas que vous étiez venu chercher l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune, et d'avoir vu en arrivant les pierres noires dont cet endroit était parsemé? Regardez et voyez s'il en reste une seule. Les seigneurs qui nous environnent, et vous, vous étiez ces pierres, de même que vos chevaux qui vous attendent, comme vous le pouvez voir. Et si vous désirez savoir comment cette merveille s'est faite, c'est qu'on continua-t-elle, elle en leur montrant la cruche dont elle n'avait plus besoin et qu'elle avait déjà posée au pied de la montagne, par la vertu de l'eau dont cette cruche était pleine et que j'ai versée sur chaque pierre, comme après avoir rendu mon esclave l'oiseau qui parle, que voici dans cette cage, et trouvé par son moyen l'arbre qui chante dont je tiens une branche et l'eau jaune dont ce flacon est plein. Je ne voulais pas retourner sans vous ramener avec moi, je l'ai contraint par le pouvoir que j'ai acquis sur lui de m'en donner le moyen, et il m'a enseigné où était cette cruche et l'usage que j'en devais faire. Les princes Bahman et Pervis connurent par ce discours l'obligation qu'ils avaient à la princesse leur sœur, et les seigneurs qui s'étaient tous assemblés autour d'eux et qui avaient entendu le même discours les imitèrent en lui marquant que, bien loin de lui porter envie au sujet de la conquête qu'elle venait de faire et à laquelle ils avaient aspiré, ils ne pouvaient mieux lui témoigner leur reconnaissance de la vie qu'elle venait de leur redonner qu'en se déclarant ses esclaves et prêts à faire tout ce qu'elle leur ordonnerait. « Seigneur, reprit la princesse, si vous avez fait attention à mon discours, vous avez pu remarquer que je n'ai eu autre intention dans ce que j'ai fait que de recouvrer mes frères. Ainsi, s'il vous est arrivé le bienfait que vous dites, vous ne m'en avez nulle obligation. Je ne prends de part à votre compliment que l'honnêteté que vous voulez bien m'en faire, et je vous en remercie comme je le dois. D'ailleurs, je vous regarde, chacun en particulier, comme des personnes aussi libres que vous l'étiez avant votre disgrâce, et je me réjouis avec vous du bonheur qui vous en est arrivé à mon occasion. Mais ne demeurons pas davantage dans un lieu où il n'y a plus rien qui doive nous arrêter plus longtemps. Remontons à cheval et retournons chacun au pays d'où nous sommes venus. » La princesse Parisade donna l'exemple à la première en allant reprendre son cheval, qu'elle trouva où elle l'avait laissé. Avant qu'elle montât à cheval, le prince Bahman, qui voulait la soulager, la pria de lui donner la cage à porter. « Mon frère, reprit la princesse, l'oiseau est mon esclave, je veux le porter moi-même. Mais si vous voulez vous charger de la branche de l'arbre qui chante, la voilà. Tenez la cage néanmoins pour me la rendre quand je serai à cheval. » Quand elle fut remontée à cheval et que le prince Bahman lui eut rendu la cage et l'oiseau, « Et vous, mon frère Pervis, dit-elle en se tournant du côté où il était, voilà aussi le flacon d'eau jaune que je remets à votre garde, si cela ne vous incommode pas. » Et le prince Pervis s'en chargea avec bien de plaisir. Quand le prince Bahman et le prince Pervis et tous les seigneurs furent tous à cheval, la princesse Parisade attendait que quelqu'un d'eux se mît à la tête et commença la marche. Les deux princes voulurent en faire civilité aux seigneurs, et les seigneurs de leur côté voulaient la faire à la princesse. Comme la princesse vit que pas un des seigneurs ne voulait se donner cet avantage, et que c'était pour lui en laisser l'honneur, elle s'adressa à tous et elle leur dit, « Seigneur, j'attends que vous marchiez. » Madame, reprit au nom de tous un de ceux qui étaient le plus près d'elle, « quand nous ignorerions l'honneur qui est dû à votre sexe, il n'y a pas d'honneur que nous ne soyons prêts à vous rendre après ce que vous venez de faire pour nous, nonobstant votre modestie. Nous la supplions de ne nous pas priver plus longtemps du bonheur de la suivre. » « Seigneur, dit alors la princesse, je ne mérite pas l'honneur que vous me faites et je ne l'accepte que parce que vous le souhaitez. » En même temps, elle se mit en marche et les deux princes et les seigneurs la suivirent en troupe sans distinction. La troupe voulut voir le derviche en passant, le remercier de son bon accueil et de ses conseils salutaires qu'ils avaient trouvés sincères. Mais il était mort, et l'on n'a pas pu savoir si c'était de vieillesse ou parce qu'il n'était plus nécessaire pour enseigner le chemin qui conduisait à la conquête des trois choses dont la princesse Parisade venait de triompher. Fin de la 9e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette, section 119.